La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Vous voulez voir l'arrivée à la télé ? Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille. C'est l'édition du dimanche 16 septembre 2018. Alors, je salue tous mes fidèles auditeurs, qu'ils soient de la ville de Québec, la ville de Sainte-Foy, Lévis, Thetford Mines, Inverness, bref, et j'en passe. Alors, je vous propose ce soir un survol de l'univers sonore de l'artiste finlandais Mika Vainio. C'est un créateur sonore qui a marqué et influencé la scène électronique pendant une trentaine d'années. Mika Vainio est décédé en 2017. Il avait 53 ans. Il a formé durant de nombreuses années le duo célèbre Pansonic avec son complice Ilpo Väisänen. Évidemment, mieux connu dans les milieux underground, mais tout de même qui a réussi à percer, je dirais, dans la culture de masse. Alors, il laisse derrière lui, ce Mika Vainio, un travail sonore extrêmement original, construit autour de, vous allez voir là, autour de battements harmoniques et de variations tonales assez singulières qu'on pourrait qualifier de minimaliste et qui exprime une très belle préoccupation pour le temps. Et je ne dirais pas le tempo, mais vraiment, il va travailler tout au long de sa carrière sur cette idée de temps. On vient d'entendre une première pièce qui est de ce duo de Pansonic. Ça s'intitule Prospect Vernas Gogo. pardonnez mon finlandais qui est un peu balbutiant, mais voilà. Alors, pour lancer l'écoute de quelques œuvres de Mika Vainio, je reprends ici le commentaire de Richard Chartier, qui est un artiste et un animateur du milieu sonore de la côte ouest américaine. Alors, il raconte, j'ai pensé au travail de Mika Vainio presque tous les jours depuis son décès, soudain, prématuré, en avril 17, raconte Chartier. Alors, comment le décrire? Toujours insaisissable, surnaturel, irréel, étrange, troublant, souvent abrasif. En même temps, il exprime une beauté sans faille, raconte Richard Chartier. Une poussée entre différents états, et c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant. La chaleur et le froid, le silence et la fureur, l'avenir et le passé, la vie et la mort. Alors, lorsqu'on m'a demandé de choisir des pièces essentielles de Mika Vainio, j'étais un peu dépassé. La pièce Anxiolytti, tirée de l'album Exjus Tuva, semble être un bon choix pour commencer, raconte Chartier. Je me souviens d'avoir décrit cet album comme quelque chose comme musique de salon pour ampoules fluorescentes ou encore microbes ou quelque chose du genre. Anxiolytti est une pièce que je peux écouter en boucle, dit-il. Alors, cela dit, une grande partie du travail de Mika Vainio semble hors du temps, d'ailleurs sans restriction des segments populaires et des clichés du genre. C'est énigmatique et c'est très personnel à la fois, poursuit encore Richard Chartier. Et cela m'attire chaque fois que j'écoute, chaque fois que j'entends quelque chose de Mika Vainio. Alors, on écoute ensemble une pièce intitulée, cette pièce intitulée Anxiolytti. Alors, on vient d'entendre Anxiolytti de l'artiste Mika Vagnaud. On retrouve de nombreuses revues et commentaires sur le parcours et l'œuvre sonore de Mika Vagnaud, ce Finlandais. Je reprends le résumé qu'en a fait le Centre Borau alors qu'il devait l'accueillir en 2015 à Montréal. Ça ne s'est pas produit pour des causes de santé. Alors, Vagnaud était l'un des membres du duo électronique finlandais Pansonic, comme je l'ai noté tout à l'heure. Le type de minimalisme lo-fi décalé, c'est un peu comment on décrit son travail, a fait du groupe l'un des plus populaires de l'underground techno issu de l'Europe du Nord. Avant de créer Pansonic au début des années 90, Mika Vagnaud a joué des claviers, de la batterie dès l'apparition de la musique industrielle et de la musique noise en Finlande. Alors, ils veulent suivre ce courant et son travail de soliste, c'est une tendance à l'époque plutôt ambiante et expérimentale, comme vous venez de l'entendre, mariant bruit de machines épars et rythmes variés, des textures sonores qui sont résolument non musicales et comportant des espacements de sonorités étranges. Tout ça connu pour à la fois leur chaleur et leur rudesse électronique et avec une ambiance qui est toujours un peu anxiogène. Alors qu'il s'agisse de pièces drone, abstraite ou avant techno minimal, quel jargon. Bref, Vagnaud a créé sans cesse des sons inusités. Un rythme résolument hypnotique. Alors, on vient d'entendre Tout Kama, c'est tiré de l'album Olento, c'est paru en 96 tout de même, une pièce qui a plus d'une vingtaine d'années. Dans un article paru dans le journal Libération lors du décès de Vainio, le journaliste Olivier Lam résume assez bien la philosophie sonore de Mika Vainio et j'ouvre ici les guillemets. Mika avait pour coutume de dire que sa musique préférée était le son d'une fréquence continue à 50 Hz, soit le son de l'électricité dans son apparat le plus pur et le plus simple. Il était tout à la fois un pionnier de la techno, une icône de la noise et un père de l'électronica. Alors son nom n'est pas le mieux identifié à la sphère électronique, mais il en était un innovateur immensément influent, un radical libre, un expérimentateur impénitent. C'est toujours le journaliste Olivier Lam qui parle. Réputé pour la sévérité de son art et de sa taiseuse austérité, j'aurais jamais utilisé ce terme, taiseuse austérité, mais typique de son pays, Mika Vainio n'en était pas moins un pince sans rire impitoyable qui constellait volontiers ses pièces les plus âpres et arides de saillies sonores pleines d'esprit. C'est tout de même bien écrit. Alors, à ceux qui lui reprochaient de produire une musique inhumaine, il rétorquait souvent composer pour les insectes et les microbes. Alors, quelle belle composition pour les insectes. Alors, il laisse une empreinte indélébile dans la musique électronique et bien au-delà. Alors, je vous propose qu'on écoute deux titres tirés de l'album Olento. C'est paru en 96. Les pièces Mung Womb et l'autre pièce Oleva. Et tout ça juste avant la pause de la première demi.

comment dire, de belles sonorités apocalyptiques. Mika Vainio, une pièce intitulée Kadonut. Dans un article paru dans la revue Residency Advisor, le journaliste Andrew Rice examine certains des moments clés du vaste répertoire du pionnier de la musique électronique finlandaise. Il rappelle que Mika Vainio a laissé une énorme impression sur la musique électronique sans atteindre la popularité de larges auditoires. C'est le destin de nombreux créateurs, malheureusement. Mais cela dit, à travers des décennies d'expérimentation, il a toujours trouvé le moyen de pousser la musique électronique vers des extrêmes plus bruyants, parfois physiquement inconfortables. Alors, Vainio a créé une musique viscérale, envoûtante et souvent effrayante, qui exploitait la technologie à la fois familière et nouvelle. Connu pour utiliser des instruments électroniques faits maison ou modifiés, il a créé une musique et des sonorités axées sur le caractère physique du son et sur la manière dont il pourrait vous faire sentir que les marqueurs traditionnels du rythme ou de la mélodie sont un peu atténués. Alors, on écoute une seconde pièce de Mika, celle-là réalisée avec les créateurs Fernes et Zanesi. Am Tag nach dem Tod der beiden Söhne von Saddam Hussein hat der arabische Fernsehsender Al Arabiya ein neues Tonband ausgestrahlt, auf dem angeblich der ehemalige irakische Staatschef spricht. Der Krieg sei vorbei, sagte eine Stimme auf dem heute veröffentlichten Band. In den westlichen Hauptstädten wurde diese Nachricht mit Erleichterung aufgenommen. US-Präsident Bush lobte die Militäraktion. Der britische Premierminister Tony Blair sprach von einem großen Tag für den Irak. Frankreich sprach sich dabei direkt für einen neuen Irak-Resolution aus. Die Vereinten Nationen mussten das Zentrum des Syrien aufbauen, das ist sehr gut für Thank you. Alors, on vient d'entendre une pièce intitulée Iraq Sound, une pièce inspirée par la cacophonie militaire ou encore, si vous préférez, par la cacophonie politique. C'est une pièce tirée de l'album collaboratif réalisé en 2003 et qui s'intitule tout simplement du nom des créateurs Christian Fenez, Christian Zanesi et Mika Vagno. Tout ça pour nous rappeler les très nombreux projets de collaboration qu'il a réalisé Mika Vagno. Évidemment, il est périlleux puis un peu injuste de résumer le travail et la carrière d'un artiste sonore en moins de 50 minutes, mais voilà, pour compléter vos écoutes du travail de Mika Vagno, je vous suggère de puiser gratuitement de très nombreuses œuvres sur le site SoundCloud en tapant SoundCloud Mika Vagno sur le web et vous allez trouver, ainsi que des travaux avec ses très nombreux collaborateurs et je pense entre autres à Franck Vigroux et Joachim Nordval avec lesquels il a produit de très beaux albums. Vous trouverez ça en prime sur la plateforme Bandcamp. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. On écoute pour terminer une dernière pièce de Mika Vagno intitulée « Silence traverse des mondes et des anges ». C'est publié sur l'album Bougez pas, pardonnez-moi pour que je le perde, Black Telephone Matters, a été produit en 2009. Alors, quant à moi, je vous invite à être des nôtres dimanche prochain dès 21h sur les ondes de CKRL, c'est le 89,1. Et d'ici là, eh bien, prenez le temps d'écouter les sonorités autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.